voilà mes bas. L'alliance est dans tes doigts. Je t'ai donné mon dernier souvenir. Mamie, plus tard, avec un des mystères d'avoir aimé, va consoler mon cœur. Ma faible voix jusqu'au verger l'attend. Éloignez-vous, aidez, s'éloignez-vous. Ma faible voix jusqu'au verger l'attend. Éloignez-vous, aidez, s'éloignez-vous. Hélas, Marie. Marie, tu me repousses, tu me repousses pour la première fois. Mamie, plus tard, avec un des mystères d'avoir aimé, veut consoler mon cœur. Ma faible voix jusqu'au verger l'attend. Éloignez-vous, aidez, s'éloignez-vous. Ma faible voix jusqu'au verger l'attend. Éloignez-vous, aidez, s'éloignez-vous. Voilà mes bas. L'alliance est dans tes doigts. Je t'ai donné mon dernier souvenir. Mamie, plus tard, avec un des mystères d'avoir aimé, va consoler mon cœur. Ma faible voix jusqu'au verger l'attend. Éloignez-vous, aidez, s'éloignez-vous. Ma faible voix jusqu'au verger l'attend.